Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal que nous commençons avec un léger retard, indépendant de notre bonne volonté. Voici les grands titres de cette édition. La plateforme politique de l'opposition, essentiellement en exil sénarède, annonce qu'elle ne participera pas à la prochaine session du dialogue inter-burundais d'Arusha et exprime son inquiétude face à un probable rapatriement de ce processus de négociation inter-burundais. Au Burundi, des négociations destinées à résoudre la crise politique burundaise. Alors que le secrétaire général et porte-parole du gouvernement annoncent la signature très prochainement d'un permis d'exploitation du nickel et du vanadium à une société canadienne, après l'étude de faisabilité, le président de l'organisation de lutte contre la corruption, l'UCOM, recommande plus de transparence pour que les minerais burundais puissent contribuer à au moins 30% du produit intérieur brut, comme le projette le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté deuxième génération, contre moins d'1% aujourd'hui, selon les estimations de cette organisation. Et à deux jours du 15e anniversaire de la radio Isanganiro, le parti Sawanya Frodebou se réjouit des réalisations de ce médium depuis sa création en 2002 pour avoir donné la parole aux opposants politiques et aux mouvements armés d'alors. Et le reportage du jour nous conduira en province Makamba. Là-bas, les cultivateurs s'inquiètent des chenilles qui ont attaqué les champs de maïs. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour, la plateforme politique de l'opposition, essentiellement en exil, le Sénarède annonce qu'elle ne participera pas à la prochaine session du dialogue inter-burundais d'Arusha et exprime son inquiétude face à un probable rapatriement de ce processus de négociation inter-burundaise destiné à résoudre la crise politique burundaise datant de 2015. En effet, d'après un communiqué de presse rendu public ce mercredi, le Sénarède apprend que la facilitation organise une dernière session de pourparlers inter-burundais du 26 novembre au 8 décembre prochain. Le Sénarède fait remarquer que cette convocation coïncide avec l'annulation unilatérale d'une réunion de consultation proposée par la facilitation avec le Sénarède les 18 et 19 19 novembre 2017. L'OCNARED s'indigne par ailleurs du fait que ses membres auraient été exclus de ce round, alors que d'autres auraient déjà reçu des invitations, ce qui pour lui tranche avec le principe d'inclusivité et ne respecte pas les engagements pris par la facilitation lors des rencontres qu'elle a eues avec l'OCNARED, qui demande pour cela à la communauté internationale de ne pas cautionner cette rencontre. Le parti Sawanya Frodebou salue le rôle que joue la radio Isanganiro depuis sa création, surtout en accordant la parole aux opposants politiques et, par le passé, à ceux-là qui combattaient le gouvernement d'alors. Léonce Ngendakoumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou, demande aux journalistes de cette station d'aller de l'avant pour promouvoir les valeurs de la démocratie tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier et au gouvernement de laisser la presse privée exercer librement sur le terrain. Suivez plutôt Léonce Ngendakoumana. Aujourd'hui, je pense que vous êtes la seule radio qui puisse donner la parole à ce qu'on appelle opposition radicale, le CNARED. Je n'ai jamais entendu à la radio-télévision nationale parler du CNARED. Pourtant, les gens, la population, l'opinion a besoin de savoir, de comprendre comment le CNARED pense du Burundi, comment le CNARED pense des questions qui sont dans notre pays et quelles sont les voies de sortie qu'il envisage. Pour toutes ces raisons, nous disons merci. Continuez à œuvrer dans ce sens, d'informer et de former même le citoyen à ses droits. Dans ces émissions que vous faites, dans ces débats que vous organisez, le citoyen apprenne ses droits, ses devoirs, ses obligations. Et ça, c'est fondamental en démocratie. C'est comme une école de la démocratie que vous tentez de faire en organisant ces débats. Parce que vous laissez discuter tous les sujets, toutes les questions, sans tabou. En ce qui nous concerne, comme nous sommes en partie qui défend la démocratie, nous allons vous appuyer, continuer à vous appuyer. Là où nous ne serons pas capables de vous appuyer, nous allons demander à ceux qui le peuvent de vous appuyer. Et nous demandons au pouvoir public de vous laisser, comme je l'ai dit, fonctionner, travailler comme un médium privé, mais quand même qui se conforme aux lois de l'État, aux lois du métier. Ce n'est pas vous laisser la latitude de travailler de n'importe quelle manière. Dans ce cas, nous qui connaissons le contexte dans lequel vous êtes en train d'œuvrer, de travailler, nous n'allons pas vous demander l'impossible. Nous n'allons pas vous demander de travailler comme si on était déjà dans une véritable démocratie, dans un état de droit. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui de ni paix, de ni guerre. Essayez toujours de vous adapter pour qu'on garde au moins un minimum d'espace d'expression. Car aujourd'hui, vous êtes la seule radio au niveau national qui peut donner la parole à tout le monde. Léonce Ngendakoumana du parti Sawanya Frodebou et le conseiller national de la communication se dit également satisfait du travail accompli par les médias aujourd'hui. C'est une déclaration du président du CNC lors d'une conférence de presse animée ce jeudi. Karenga Ramadani a indiqué qu'à partir de l'année prochaine, l'actualisation des cahiers de charges par chaque organe de presse, l'enregistrement des journalistes dans le registre national des médias, figure parmi les priorités du CNC. Il est aussi demandé aux médias de s'asseoir ensemble avec l'organe régulateur pour trouver des solutions aux problèmes que ces derniers éprouvent. Suivez-le. Chaque organe de presse, que ce soit de diffusion audiovisuelle, électronique, publication imprimée, doit avoir un cahier de charges. 2. Tous les journalistes doivent se faire inscrire au registre national des médias. Et personne parmi les organes de presse sera autorisé de faire travailler un membre de son personnel, qu'il soit à contrat permanent, provisoire, bénévole, stagiaire, sans aucun contrat. Troisièmement, tous les organes, les partenaires qui doivent organiser des formations en matière de presse et communication au Burundi doivent porter à la connaissance du CNC, du type de filière, des personnes à être formées et les conditions d'ordre général et les modalités de cette formation pour éviter les aventuriers, que vraiment le domaine soit sérieusement professionnalisé. On va demander aux médias, à partir de l'année prochaine, de s'assurer que le processus qu'on a déjà enclenché, de s'asseoir ensemble sur tous les problèmes qui concernent la profession, qu'on le discute avec le CNC pour trouver des solutions ensemble. Le rôle de conciliation va être poursuivi, et surtout en s'assurant que la carte de presse est vraiment disponible pour être distribué aux membres de la profession. Et moi, en tant que professionnel, pas seulement en tant que régulateur, je suis très content du travail des médias aujourd'hui. Et quand je vois l'engouement des jeunes aujourd'hui, qui vont même dans les filières de formation, les conditions sont difficiles des médias au Burundi. J'en profite pour demander aux autorités, pour demander aux investisseurs d'investir davantage dans ce domaine, qui n'est pas seulement le quatrième pouvoir mal utilisé, mais aussi c'est un quatrième pouvoir qui va orienter la population pour les projets de développement. Karenga Ramadani, c'est le président du Conseil national de la communication. Il est 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Isanganiro. Le porte-parole et secrétaire général du gouvernement dit qu'un permis de recherche du minerai va être accordé à une société canadienne qui analysera si le nickel et le vanadium se retrouvent dans certaines localités du pays. Philippe Nzobonariba ajoute que cette société pourra exploiter ces minerais après l'étude de faisabilité. Cela a été dit lors du Conseil des ministres qui s'est tenu les 8 et 9 novembre dernier. Suivez Philippe Nzobonariba. Les membres du Conseil ont analysé trois projets de texte qui étaient présentés par le ministre de l'Énergie et des Mines. Il s'agit du projet de décret portant octroi d'un permis de recherche pour le nickel et minerais associés sur le périmètre d'Oahaga en faveur de la société CVMR Énergie et puis le projet de décret portant octroi d'un permis de recherche pour le nickel et minerais associés pour le permis de Niawikele en faveur de la même société, CVIMER. Et enfin, le projet de décret portant octroi d'un permis de recherche pour l'offre titane et vanadium et les minerais associés sur le périmètre de Mukanda en faveur de la même société, CVMR. La société Chemical Vapor Metal Raffining Corporation, CVMR en sigle, dont le siège social se trouve à Toronto au Canada, a projet le gouvernement du Burundi pour une coopération dans le secteur minier avec un intérêt spécial pour le nickel et le vanadium. En vue de demander les permis de recherche relatifs, la société a créé en mois d'octobre 2017 une société de droit burundais dénommée CVMR Energy Metal Burundi pour se conformer au code minier du Burundi. La société nouvellement créée a ainsi demandé des permis de recherche du nickel et des minerais associés dans les périmètres de Niawikele et Oahaga pour des superficies respectives. Estimant égal 139 km² pour Niawikele et 77 km² pour Ouaga, ainsi que celui du fer Tidiane et Vanadium dans le périmètre de Mukanda qui couvre une superficie de 144 km². Cette société s'est engagée à se conformer à la législation burundaise, spécialement au code minier et à ses textes d'application. En cas de résultats positifs des études de faisabilité, les investissements dans l'exploitation vont générer des recettes et devises pour le trésor public. Au regard du programme des travaux proposés et les capacités techniques et financières de cette société, ainsi que l'impact positif de ses activités sur l'économie nationale, les services techniques qui ont analysé le dossier ont proposé d'accorder le permis demandé. C'est ainsi que le projet a été adopté. Philippe Nzobonariba, secrétaire général et porte-parole du gouvernement et l'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'ICOM, se dit préoccupé par l'absence de transparence dans l'exploitation des ressources minières au Burundi. Le président de l'ICOM considère que les minerais contribuent au produit intérieur brut pour moins d'un pour cent, alors que le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté deuxième génération projetait 30%. Dans un communiqué sorti ce mercredi, Gabriel Rufiri a demandé plus de transparence en passant un appel d'offres international. Suivez Gabriel Rufiri au téléphone avec Alain Désiré Boukayenez. Nous exprimons nos inquiétudes par rapport à l'octroi en cascade des gisements miniers sur les différents sites du pays sans qu'il y ait des dossiers d'appel d'offres internationaux. Dans le CCRP, deuxième génération, le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté qui devait produire ses effets jusqu'en 2015, il était bien écrit que le secteur minier allait contribuer à la hauteur de 30% du produit intérieur brut, ce qui n'a pas été le cas parce qu'aujourd'hui, les minéraux ne contribuent qu'à moins de 1% du PIB. Où réside votre inquiétude si l'octroi de ces permis d'exploitation est fait par des instances habilitées? Nos inquiétudes résident d'abord dans le flou, dans l'opacité qui entoure l'octroi de ces marchés. Pour qu'il y ait transparence, il faut suivre certains instruments internationaux. Je citerai entre autres la déclaration de Lusaka, ici du sommet spécial de la CIRGR sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs. Aussi, la Convention des Nations Unies contre la corruption qui a été ratifiée par le Burundi. Il faut que le gouvernement publie les dossiers d'appel d'offres ayant des critères clairs et sans ambiguïté aux firmes qui veulent explorer et exploiter les minerais au Burundi. Gabriel Rufiri, président de l'OLUCOM. Dans l'actualité, l'association de défense des droits de l'enfance au GEPAYE se dit préoccupée par la manière dont la police procède à des rafles des enfants de la rue et aux mendiants et des mendiants ces derniers jours. En mairie de Bujumbura, David Ninganza, porte-parole de cette organisation, considère que le mieux serait de les rassembler dans des centres qui devraient être préparés à cette fin et non dans des cachots, comme cela est ressorti récemment dans le consensus entre les organisations œuvrant dans le domaine de l'enfance et différents ministères, dont celui des droits de l'homme. C'est une activité qui est prévue que l'enfant ne soit pas de la rue et que aussi la mendicité ne continue pas à se manifester. Mais la stratégie qui a été arrêtée était impliquée tous les partenaires, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Solidarité, le ministère de la Sécurité publique et les organisations impliquées dans l'enfance. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la police qui est en train de travailler seule. C'est la raison pour laquelle, même si la police organise des rafles, que moi je pourrais appeler regroupement parce que là c'est déjà une violence pour les enfants. Si alors la police organise les rafles vers la prison de la BCR, chose qui est contraire avec ce qui a été arrêté, c'était organiser le regroupement de ces enfants et le mettre dans un centre bien identifié, mettre à la disposition de ce centre les services sociaux qui s'occupent de leur identification, de comprendre pourquoi l'enfant a quitté la maison, identifier et de réinsérer sagement, pacifiquement, avec assurance ces enfants chez eux. Sinon, ce qu'on est en train de faire, c'est la marche sur place. Ça fait 2 mois que cela s'opère. Quand la police arrête ces enfants, c'est vrai que la police nous demande, chose que nous saluons, pour empêcher que l'enfant ne retourne pas dans la rue. C'est vrai, la police est en train de faire son travail, mais quand il travaille seul, c'est de la violation. Il viole sans le savoir. Pourquoi arrêter un enfant de moins de 10 ans et remettre au cachot où il y a des adultes? La proposition, c'est quoi? La solution sage. C'est que la police demande la mise en application du calendrier qu'on s'est donné pour qu'il n'y ait pas de cassures, pour qu'il n'y ait pas aussi de l'intimidation de ses enfants. David Ninganza, il est porte-parole de l'Association de défense des droits de l'enfant, SOGEPAYE. Et le porte-parole du ministère de la Sécurité publique réagit en faisant savoir que ces enfants ne sont pas du tout emprisonnés. Pierre Mourikié précise que ce travail s'inscrit dans la routine de la police de rassembler les enfants afin de les acheminer dans leur famille d'origine. Ce travail n'a pas commencé avec le programme de rassemblement des enfants de la rue, mais plutôt, c'est une activité de routine de la police. Ce travail avance bien. Des centaines d'enfants ont été acheminés dans leur province d'origine. Et l'administration locale et les familles s'occupent de ces enfants. Ces enfants ne sont pas emprisonnés car ils n'ont commis aucun crime. Mais on les rassemble à la BCR pour un court délai avant de les acheminer à l'intérieur du pays d'où ils sont venus dans le but de les réinsérer dans leurs familles respectives. Sachez que la police ne donne pas des rapports de l'état d'avancement de ce travail de rassemblement des enfants de la rue aux associations de défense des droits de l'enfant. Mais plutôt, ces associations peuvent demander à la police comment apporter une assistance à ses enfants au lieu de s'immiscer au travail de la police. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Nouvelle de Provence, à présent, les prix des produits Braroudi ont connu une hausse de 50 francs à 200 francs beau par beauté en Provence Boubanza. La hausse, c'est également du côté de la viande. Un kilo qui s'achetait à 5 000 francs s'achète actuellement à 6 000 francs ou 7 000. Devant les lamentations des consommateurs, les commerçants expliquent que ces produits coûtent cher là où ils s'approvisionnent. De son côté, le gouverneur de cette province de Boubanza tranquillise et précise qu'il prévoit une réunion avec tous les commerçants afin de rétablir l'ordre. Spescaritas Cabagnana, correspondance. Au centre commercial de Muzinda, en commune Rugazi, par exemple, une bouteille d'Amster qui devait coûter 1 800 francs s'achète à 1 900 francs, une bouteille de Fantan 750 francs et une bouteille de Primus 1450 ou 1500 francs selon les consommateurs qui se lamentent. De même, un kilo de viande qui devrait s'acheter à 5000 francs selon la mesure des autorités provinciales s'achète actuellement à 6000 francs ou à 7000 francs. Cette hausse des prix s'observe également ailleurs, dans d'autres communes de cette province. Les prix ont grimpé de 50 francs à 200 francs par bouteille, puisque dans certaines localités, une bouteille d'Amstel coûte 2000 francs, une bouteille de Primus 1500 francs. Les commerçants expliquent qu'ils s'approvisionnent difficilement à de grandes distances, qu'ils doivent donc ajouter des frais de transport afin de ne pas travailler à perte. Ils déplorent également le fait que leurs fournisseurs grossistes ne leur approchent pas ces produits braloudis afin d'éviter de payer encore les frais de transport. Pour les commerçants de viande de bœuf, ils indiquent que les vaches sont actuellement trop chères. Il y a même beaucoup d'éleveurs qui ont fait la transhumance vers la République démocratique du Congo, comme ceux de Gihanga, dès qu'ils ont été chassés de la réserve naturelle de la Rukoko. De son côté, le gouverneur de la province de Bubanza tranquillise les consommateurs et précise qu'il prévoit une réunion avec les commerçants afin que la situation soit rétablie. Pescaritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. C'est les agri-éleveurs des communes Chombo et Bouiga qui sont sur 11 collines atteignent un développement très intéressant, comme l'affirment les autorités de la province de Karoussi. Ils sont devenus des multiplicateurs de semences de haricots, de maïs et de pommes de terre, des semences qui sont achetées par d'autres agriculteurs qui sont dans d'autres communes de cette province. Et cela est même confirmé par le gouverneur de la province de Karoussi qui indique en avoir eu l'expérience. Blaise Pascal Kararoumié pour les détails. Le gouverneur Mbarushimana Kalini de la province Karoussi affirme qu'elle témoigne du niveau important du développement atteint par ses agriculteurs dans les communes Chombo et Bouhiga. Elle indique avoir été lui-même sur terrain visitant les réalisations des groupements de ses agriculteurs sur les 22 collines de ces deux communes où se réalise ce projet PIP Mbonyangana, projet intégré paysan qui se réalise depuis deux ans. Le coordinateur de l'ONG nationale Réseau Burundi 2000+, dans la province Karoussi, indique que ses agriculteurs se sont associés à 8 groupements qui sont des multiplicateurs des semences et ont été formés pour les exploitation rationnelle de leurs propres propriétés. Nestor Bachichikare informe que ces agriculteurs produisent actuellement à chaque saison culturelle 1500 kg de semences de maïs ou de haricots pour une superficie d'un hectare de leur propriété et que ces semences produites sont ensuite certifiées par le Centre National de Certification des Semences Sélectionnées, ONSSS, qui est un centre qui est dans tout le pays et se trouvant à Gitega. Il fait savoir que ce sont ces semences sélectionnées qui sont par après, pour la saison culturelle suivante, vendues à tous les agriculteurs qui en ont besoin au lieu d'aller chercher ces semences sélectionnées à l'Isabou. C'est ainsi que ce mercredi, et sur les demandes des autorités de la province et des communes, comme le confirme le gouverneur, ces autorités étaient dans la commune de Gitaramuka, zone Nyaruhinda, pour le lancement de ce même projet PIP Mbonyongana, et ce mardi à Mutumba, dans la zone Gisimbawaga, où les agriculteurs de 6 collines de ces zones seront concernés. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. À la source, reportage. Je l'avais annoncé au début de ce journal en titre, les cultivateurs en province Makamba s'inquiètent des chenilles qui ont attaqué les champs de maïs. Pour les plantations déjà affectées, les feuilles présentent une couleur jaunâtre et n'accroissent plus selon ces cultivateurs. Le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage à Makamba, Anselme Sindayebura, leur demande d'utiliser les produits phytosanitaires pour détruire ces chenilles ou les ramasser à la main en attendant l'appui du ministère de tutelle. Les agriculteurs estiment que ces produits coûtent cher. Obin Nyonguru, il est de retour de Makamba. Certains cultivateurs de la province de Makamba s'alarment des chenilles qui ravagent leurs champs de maïs. Nous sommes sur la colline de Banza, en commune de Makamba. Nous rencontrons Stéphanie Sindaïgaya en train de faire le sarclage dans son champ de maïs. Nous sommes en train de sarcler le champ. Le maïs a été attaqué par des chenilles. Il est menacé par cette maladie. Ils ont pénétré dedans. Stéphanie Sindaïgaya nous fait visiter son champ. Certaines des plantations ont déjà été attaquées. Il a essayé de limiter les dégâts en utilisant les produits phytosanitaires. Nous avons essayé de pulvériser avec les produits phytosanitaires. Je vais vous montrer les plantations déjà attaquées. Les feuilles se déshydratent. À l'intérieur, il y a des chenilles. Elles ne poussent plus. Cette cultivatrice dit toutefois que les produits phytosanitaires sont coûteux pour eux. Nous manquons de l'argent pour nous procurer des produits phytosanitaires. Moi, j'ai cultivé le maïs par ligne pour voir si la récolte peut s'améliorer. Il n'y a pas d'agronome pour nous assister. Yalet Nyongabo est notre cultivateur de la colline Kigamba en zone Kayogoro. Demande l'assistance des agronomes. Nous autres cultivateurs voudrions que les agronomes nous apportent des produits efficaces pour lutter contre ces chenilles et avoir une bonne récolte. Le directeur provincial de l'agriculture à Makamba, Anselme Sindayehebura, dit que ces chenilles se manifestent plus dans les zones chaudes. Il propose aussi des voies de solutions alternative. Nous avons un problème qui commence à se faire sentir au niveau de toute la province. La chenille polyphage, qu'on appelle Podoptera frigiperda, qui commence à menacer les champs de culture dans toutes les communes. Le ministère de l'Agriculture a déjà pris la question en main. Il est en train de travailler avec le ministère des Finances pour voir si on peut avoir des produits phytosanitaires qui pourrait détruire ces chenilles. Les populations peuvent adopter le comportement de ramasser ces chenilles par mettre une bombe. Ça, c'est une méthode mécanique. En ça, c'est une méthode chimique. À côté de cela, il y a des agriculteurs qui, la terre, elle mettre dans les premiers feuilles du maïs. Mais ce n'est pas une méthode qui est très efficace. Dans cette province, il indique que ces chenilles ont commencé à se manifester pour les cultures maraîchères. Merci Aubin Nyonghoro pour ce reportage qui met fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Toussaint Mitewotsi et au micro Jean Bosco Ndouimana. Un bon après-midi à tous.